Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, la romancière et essayiste féministe Benoîte Groulx. Quand les femmes faisaient 15 ou 20 enfants, on ne pouvait pas attendre d'elles qu'elles s'occupent des lois, de la justice et de la marche du monde, c'est certain, c'était un travail épuisant. Alors pendant des siècles, jusqu'au XXe siècle, jusqu'à la contraception finalement, les femmes ont été les esclaves de leur fatalité biologique, des enfants qui arrivaient au hasard, des maternités innombrables. Qu'est-ce qu'elles pouvaient être d'autre que des mères, c'est certain. Alors aujourd'hui, la situation est retournée et je crois que la contraception, c'est la plus grande révolution de tous les temps pour les femmes. Benoîte Groulx à l'émission À l'antenne en avril 1975, au moment où elle publie son essai Ainsi soit-elle. Ce livre, qui va se vendre à plus d'un million d'exemplaires, va faire de Benoîte Groulx l'une des grandes figures féministes du 20e siècle. Benoîte Groulx y poursuit en quelque sorte la réflexion amorcée par Simone de Beauvoir dans Le deuxième sexe. Pour elle, il faut, et je cite, « guérir d'être femme, non pas d'être née femme, mais d'avoir été élevée femme dans un univers d'hommes, d'avoir vécu chaque étape et chaque acte de notre vie avec les yeux des hommes, et les critères des hommes. » À l'heure actuelle encore, les hommes sourient du féminisme, vous le savez bien. Ils en ont toujours... D'abord, ils les ont haïs. Ils disent, elles sont laides. Elles sont c'est toutes pas laides. Vrai. On a fait croire que les féministes autrefois étaient laides, c'était des femmes merveilleuses. Flora Tristan était une femme merveilleuse et qui aimait, qui a été aimée, qui était courageuse. Mais on a tellement voulu que les femmes restent à leur place que toutes celles qui en sortaient, on prétendait qu'elles étaient frustrées. On peut dire à l'heure actuelle, au sein du MLF français, du mouvement de libération de la femme en France, ce ne sont pas toutes des ravissantes, elles sont assez excitées. Hein. Vous trouvez qu'au gouvernement, ce sont tous des ravissantes? Pourquoi les femmes seraient toutes ravissantes? Elles ont Madame le droit Veil d'être... est très bien. Oui, il y en a une qui est bien, Françoise Giroud est très bien aussi, mais enfin, même si elles sont laides, c'est leur droit. Pourquoi nous serions-nous condamnés à la beauté à tout prix, à la jeunesse à tout prix? C'est très injuste de dire ça. Il y a des féministes. Gisèle Halimi est une jolie fille et qui aime les hommes et qui a des enfants. Ça ne l'empêche pas de lutter pour une idée. Et vous luttez pour quoi exactement, vous, finalement? Pour que les rapports avec les hommes soient meilleurs, parce que c'est ensemble qu'on vit, on est complices, finalement. Et je trouve que avoir une femme qui est votre égale, c'est beaucoup plus excitant qu'avoir une poupée grandeur nature. Benoîte Groulx, au micro de Martine de Barcy à l'émission Des livres et des hommes en 1975. L'extrait qu'on vient d'entendre peut nous paraître aujourd'hui assez surréaliste. Il est pourtant bien représentatif de la pensée de l'époque. Nous sommes, je le rappelle, en 1975, l'année où Benoîte Groulx vient de publier son essai Ainsi soit-elle. Pour nous parler du parcours, de l'importance de Benoîte Groulx, j'accueille l'autrice et journaliste littéraire Daniel Lorrain. Daniel Lorrain, bonjour. Bonjour Jacques. Daniel, vous avez rencontré deux fois Benoîte Groulx. Parlez-nous d'abord de la femme qu'elle était, du souvenir aussi que vous gardez de ces deux rencontres avec elle. Ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'elle a mis du temps avant de se définir elle-même comme féministe. En fait, elle disait qu'elle s'était toujours sentie comme une citoyenne de seconde zone, absente au monde. Ça lui a pris du temps. Je dirais que ça arrive presque au début, en fait, à la fin de la quarantaine ou à l'approche de la cinquantaine, que là, sa conscience féministe va vraiment émerger, qu'elle va s'engager à fond dans la cause. En fait, c'est à partir, je vous dirais, dans la foulée de mai 68, à partir du moment où elle rencontre d'autres féministes. Et véritablement, vous l'avez dit en début d'émission, c'est vraiment avec son livre Ainsi soit-elle qu'elle va devenir très, très importante comme féministe en France et ailleurs dans le monde aussi. Ouais. Grande vedette aussi. Oui. Écoutez, un million d'exemplaires pour ce livre-là. Tout à fait. Et traduit à travers le monde. Et elle va donner des conférences jusqu'à presque la toute fin, un peu partout dans le monde, grâce à ce livre-là, Ainsi soit-elle, justement. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est née dans un milieu plutôt aisé, à Paris, en 1920, père décorateur, mère styliste, une femme assez excentrique comme mère, mais très, très stricte avec ses deux filles, donc avec Benoîte et Flora, sa sœur. Benoîte se décrit comme une petite fille modèle, une adolescente complexée qui n'osait pas prendre sa place. Elle fait des études de lettres, elle devient prof de latin, de français, journaliste. Elle se lance dans l'écriture tardivement. Après ses 40 ans, elle a trois enfants, il faut dire. Ça occupe beaucoup. Elle a subi plusieurs avortements clandestins. Elle en a parlé ouvertement. S'est mariée trois fois. Oui. Et avec son troisième mari, Paul Guimard, il y avait cette entente à la Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir. Ils avaient tous les deux des amours contingentes. Elle avait d'ailleurs un amant américain qu'elle a eu pendant de nombreuses années au vu et au su de son mari. Et d'ailleurs, elle m'en a parlé. Elle parlait ouvertement de ça. Quand je l'ai rencontrée la première fois en 1997, elle me disait, vous savez, il faut prendre les petits chemins de traverse, les amours buissonnières, il faut en profiter. Elle avait 77 ans. Ce que je ne savais pas à l'époque, c'est qu'elle avait encore sa relation extra-conjugale avec son amant. Donc, c'est une femme très énergique aussi. Elle disait à quel point elle-même se définissait comme féministe, mais qu'on la regardait de haut en France. Et vous savez qu'elle venait assez souvent au Québec et elle admirait les Québécoises. Elle disait, les Québécoises sont agressives quand il le faut. Elles disent des mots crus. Elles osent utiliser le même vocabulaire que les hommes, alors que les femmes françaises s'effacent beaucoup trop. Donc, oui, elle disait, il y a encore beaucoup à faire dans la lutte des femmes et surtout en France. Alors, vous la situez où? On parle depuis déjà quelques minutes avec vous de cette féministe, cette grande figure du féminisme qu'a été Benoît de Gros, Danielle Lorrain. Vous la situez où parmi les autres? On a parlé déjà de Simone de Beauvoir dans cette émission. Elle-même, dans un extrait qu'on entendait, citait et parlait de Françoise Giroux. Elle se trouve où parmi ces autres féministes au 20e siècle? Bien, elle se situe vraiment en lien direct avec Simone de Beauvoir. Et vous savez qu'elle a pris fait et cause sur plusieurs tribunes pour l'avortement. Elle a contribué à faire connaître davantage, je dirais, le deuxième sexe et Simone de Beauvoir, parce qu'elle, elle l'avait lu quand même, elle avait 29 ans quand ce livre-là est paru. Et elle se disait que c'était un livre hyper important, mais peut-être pas assez accessible. Et accessible, c'est le mot-clé quand on parle de Benoît Groulx. Elle, dans sa façon de s'exprimer, c'était direct, très concret, moins théoricienne, donc, que Simone de Beauvoir, vraiment. C'était quand même quelqu'un qui avait un sens de l'humour aussi. Ça paraissait beaucoup en entrevue, qui était proche des émotions. Il faut dire qu'elle a pratiqué le journalisme, hein, puis c'était la même chose pour François Giroux. Donc, c'est des femmes pour qui le concret était important. D'ailleurs, il y avait beaucoup d'enquêtes que faisait François Giroux sur le terrain même. Elle-même n'était pas non plus, François Giroux, une théoricienne. Donc, vous savez que les deux se connaissaient. Elles étaient ensemble sur le jury du prix Fémina et toutes les deux aussi ont occupé des fonctions importantes. Oui. Je pense à François Giroux, donc, qui avait été secrétaire d'État à la condition féminine, alors que Benoît de Groulx, elle, avait été présidente plus tard de la commission de terminologie pour la féminisation des titres. Donc, elles ont plusieurs points en commun, ces deux femmes-là. Oui. Un féminisme avec le sourire aussi, je dirais. Oui. Donc, parcours, c'est vrai que dans le cas de Françoise Giroux, quand on la compare à Benoît de Groulx, il y a cette similitude, cette grande, grande proximité que vous évoquiez. Vous nous parliez de vocation tardive quand on parle de la féministe. On peut dire que, pour ce qui est de l'écriture aussi, c'est assez tardivement que Benoît de Groulx vient à l'écriture, Danielle Lorrain. Oui, c'est quand elle sera divorcée de son deuxième mari, remariée avec l'éditeur et auteur Paul Guimard, qu'elle va enfin oser s'aventurer du côté de l'écriture. Elle a 38 ans quand elle publie avec sa sœur Flora, donc en 1958, Journal à quatre mains. C'est très intéressant, ce petit livre-là. C'est, en fait, largement autobiographique. Et les deux sœurs se racontent. Elles racontent leur jeunesse sous l'occupation, tandis qu'elles rêvaient d'émancipation et de liberté. Vous savez, Benoît Groulx et sa sœur ont été très, très proches. À propos de cette proximité, Benoît Groulx disait... À mesure que le temps passe, je me demande si la sororité n'est pas le sentiment le plus authentique, le moins frelaté, le plus résistant aux événements. Il faut prendre tant de précautions avec l'amour. Avec une sœur, on ose tout, même de rester soi-même jusqu'à l'horreur. Alors, Flora est morte en 2001 des suites de la maladie d'Alzheimer, ce qui a beaucoup, beaucoup affecté Benoît de Groulx. Il faut préciser préciser qu'après donc leur premier livre, elles en ont écrit deux autres ensemble avant que Benoît de Groulx se décide en 1972 à publier un roman en solo, donc La part des choses, qui aura un très bon succès d'ailleurs. Oui, mais le grand succès, on y revient, c'est en 1975 qu'il arrive avec l'essai Ainsi soit-elle, un essai qui va vraiment la rendre célèbre, qui va aussi brasser la cage, comme on dit. On va admettre tous les deux que physiologiquement, il y a des différences entre un homme et une femme, n'est-ce pas? Bien sûr. Bon, c'est évident. Est-ce qu'il y a des différences entre un homme et une femme, psychologiques, qui ne seraient pas culturelles? Y en a-t-il? À mon avis, aucune. Je vous défie de me citer un défaut ou une qualité qui soit masculin ou féminin. Citez-moi une. Je ne trouve pas de qualité féminine et de qualité masculine. Il y a des hommes doux, il y a des hommes qui ont de l'intuition. Il y a des femmes, quelquefois, qui comprennent rien du tout, qui peuvent être brutales, aigries. Je ne vois ni un défaut, ni une qualité, ni l'intelligence qui soit l'apanage d'un seul sexe. Je crois que nous sommes des individus, absolument. Et que la maternité, qui est d'accord, une chose proprement féminine, est un enrichissement. Ouais. Ce que Freud disait, la femme est un homme avec quelque chose de moins, il pensait toujours à cet éternel pénis. Moi, je trouve que la femme est un homme avec quelque chose de plus, parce que l'expérience de la maternité, c'est positif. C'est une expérience très riche qui vous apporte une sensibilité plus grande. Mais ça ne change rien à vos qualités et à vos défauts. Et j'avais noté une phrase aussi, en plus de celle de Bourassa, qui est une phrase de Jean Rostand, qui disait « Avoir joué à la poupée ou au soldat de plomb est plus important dans la formation d'un être que la présence d'un chromosome X ou d'un chromosome Y. » Benoît de Groulx, à l'émission de Pierre Paquette à l'antenne, diffusée en 1975. C'est donc en 1975, justement, que Benoît de Groulx publie son essai « Ainsi soit-elle ». Quel impact va avoir cet ouvrage, Daniel Lorrain, dont vous parlez d'ailleurs comme d'un livre choc? Oui, un immense impact. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que quand elle m'a raconté en entrevue que quand elle est allée voir son éditeur pour lui dire qu'elle avait envie d'écrire quelque chose sur la condition des femmes, il lui avait dit, ben voyons donc, quelle drôle d'idée, ça va ennuyer tout le monde. Et donc, Benoît de Groulx me disait, ben oui, c'est ça, c'était encore l'idée que le féminisme, c'était ennuyeux, que les problèmes de femmes étaient sans intérêt. Et elle prédisait déjà à l'époque, Jacques, qu'elle se ferait égratigner. Elle écrivait, en parlant de son livre, « Avec ce machin-là, je sais que je vais entrer dans la catégorie des emmerdeuses qui ne méritent même pas la courtoisie. » Elle n'avait pas tort. Hein. Vous savez qu'elle sera prise à partie. Autant le deuxième sexe de Simone de Beauvoir avait été mise à l'index par le Vatican, elle sera boudée dans plusieurs journaux par la presse. On la prendra de haut, évidemment. On la traitera de mal baisée. En fait, la grande nouveauté avec ce livre-là, c'est qu'elle est une des premières, sinon la première personne à oser dénoncer les mutilations sexuelles infligées à des millions d'Africaines. Et franchement, elle n'épargne aucun détail dans ce livre-là sur la violence de ces pratiques, excision, infibulation. Elle fait ça dans une langue crue, sans détour. Ça aussi, c'est vraiment la marque Benoît de Groulx. Et ce qui est bien, c'est qu'elle montre en fait que ces pratiques-là n'étaient en quelque sorte que les formes les plus poussées de l'asservissement généralisé des femmes partout dans le monde. Donc, en fait, elle parle de cela pour nous amener aussi plus loin, pour voir que, en fait, ce qu'elle dit, c'est la haine pour les femmes va jusqu'à supprimer leur sexe. Et vous savez que c'est une femme qui va parler beaucoup du droit à la jouissance chez les femmes. Donc, oui, évidemment, ça va faire scandale, mais ça va aussi avoir un impact et une importance historique, peut-être pas aussi grande que le deuxième sexe, mais quand même très, très populaire à travers le monde. Absolument. Puis ce sera le début d'une suite d'écrits et d'actions qui vont confirmer son engagement féministe. Elle va créer, entre autres, parce qu'on va le voir dans les minutes qui viennent, mais l'action féministe de Benoît de Groulx s'exprime de différentes manières. Il s'exprimera, entre autres, avec la création de cette revue F Magazine en 1978. On l'écoute en parler à Françoise Fauché à l'émission Femmes d'aujourd'hui en 1978, justement. Il me semble, Benoît de Groulx, que la plupart des femmes veulent vivre non pas séparées, mais avec. Or, dans le magazine féminin, que ce soit le vôtre ou dans les autres magazines, d'ailleurs, on passe son temps à dire « Nous, les femmes, nous pensons que. Nous, les femmes, nous voulons que. Nous ne sommes pas d'accord. » Ça sépare, ça, encore. Je ne suis pas du tout de votre avis. Je trouve que dans les magazines féminins traditionnels, on passe son temps à dire aux femmes « Cuisinez bien pour conserver votre petit mari, soyez belle parce que sans ça, il ne vous aimera plus, ne vous laissez pas vieillir, sinon il en prendra une plus jeune. » On ne vit que par rapport à l'homme. Dans le nôtre, on a voulu, d'accord, un petit peu dire aux femmes « Soyez vous-même. » Et puis le reste viendra de surcroît. Parce que finalement, quand on est bien dans sa peau, on est beaucoup plus séduisant et on est un pôle d'attraction bien plus grand que si on est angoissé, si on a peur de ne plus plaire. Les magazines traditionnels, vous vous vivez complètement dans la dépendance et la peur de perdre un homme et la dépendance d'un homme. Celui-là, je crois qu'il est plus fait pour des femmes adultes. Et il ne sépare pas du tout l'homme de la femme, simplement il dit aux femmes, c'est à vous de vous définir. Parce que depuis 2000 ans, ce sont les hommes qui disent aux femmes comment elles doivent être, comment doit être leur sexualité. Ce sont les psychanalystes mâles qui nous disent quelles doivent être nos angoisses. Et il faut qu'aujourd'hui, les femmes commencent à dire, voilà ce que je ressens moi, et ce qu'on a dit n'est pas toujours vrai. Que représente donc cette aventure, Daniel Lorrain, l'aventure de la revue F Magazine pour Benoît de Gros? Oui, donc c'est un magazine qu'elle fonde avec une autre écrivaine, Claude Servan-Schreiber. En fait, elles veulent vraiment renouveler la presse féminine. Mais en fait, l'angle précis, c'est qu'elles veulent vraiment se situer à mi-chemin entre la revue féministe et le magazine féminin. Et c'est ça qui finalement va en quelque sorte courir à sa perte à ce magazine-là. Juste préciser qu'en couverture du premier numéro, il y a une photo de la BDiste Claire Bretéchet avec le titre « L'humour change de sexe ». En fait, ce qui s'est passé, c'est que l'aventure est de courte durée. Pourquoi? Parce que les féministes pures et dures ne se reconnaissent pas assez dans ce magazine-là qui parle de consommation, de mode, ouais, tout en traitant de sujets féministes. Et donc, pas facile non plus d'atteindre un grand public avec ce magazine qui, finalement, connaît des problèmes financiers et va disparaître en 1982, donc au bout de 4 ans. Ouais. Un mot sur les autres formes multiples. On en a déjà évoqué quelques-unes, mais que va prendre l'engagement féministe de Benoît de Gros au fil des ans? Bien, Prix Fémina, membre du jury, je l'ai dit, elle va bien sûr militer pour l'équité homme-femme en politique, mais peut-être que son plus gros combat, elle a mis à part ses livres, elle va le livrer à la commission de terminologie pour la féminisation des noms de métiers, donc, dont elle est la présidente. Et bien sûr, elle qui voulait à tout prix se revendiquer écrivaine, qui voulait qu'on emploie Madame la ministre, l'avocate, elle va rencontrer sur son chemin des adversaires coriaces, dont Maurice Drouon de l'Académie française. Elle se fera traiter de précieuse ridicule, mais rien ne l'arrêtera. Et puis, l'autre chose aussi qu'on peut dire, c'est que elle a beaucoup fait pour faire connaître des femmes dans l'histoire. Elle a beaucoup écrit, par exemple, sur Rosa Luxembourg, sur Louise Labé, et elle a écrit une très belle biographie sur Olympe de Couges. En 2013, elle avait 93 ans, vous imaginez. Donc, Olympe de Couges, la première féministe de l'histoire qui est morte sur l'échafaud. Oui. Dans les années 80, elle écrit quelques romans qui vont très, très bien marcher, des romans à succès, Les trois quarts du temps en 83, puis en 88, Les vaisseaux du cœur, dont elle parle à Christiane Charette à l'émission Il fait toujours beau quelque part, en 1988. D'ailleurs, au début, dans l'avant-propos, vous posez la question, vous dites, vous cherchez un langage pour décrire cet érotisme, et vous dites, je sais que le ridicule me guette. Le ridicule me guette dans l'usage des mots, dans l'usage des sentiments. Ça a été difficile pour vous de... Eh bien, un peu. Je crois que c'est encore un des tabous. C'est que les femmes n'osent pas toujours parler de sexualité, et notamment de sexualité heureuse, sans la notion de péché, sans la notion de punition de la chair. Cette civilisation judéo-chrétienne rendait la femme coupable. Il fallait payer avec l'accouchement. Aujourd'hui, l'accouchement est soi-disant sans douleur, mais il faut tout de même payer la sensualité heureuse. Et là, tout à coup, je voulais raconter l'histoire d'une femme qui est bien dans sa peau et qui aime ce qu'elle ressent et qui retrouve le plaisir de ses organes, d'avoir des organes féminins. Oui, qui a beaucoup de plaisir sexuel à faire l'amour avec un homme. Est-ce que vous croyez que la littérature érotique est là pour exciter les lecteurs? Non, c'est pour ça que je ne trouve pas que mon livre soit un livre érotique. C'est une histoire de passion. Mais la passion n'exclut pas le plaisir physique. Je voulais justement montrer que les femmes n'étaient pas réduites à décrire des sentiments à l'eau de rose et à ne jamais dire le nom de leurs organes. Ce qui se passe en dessous du nombril n'est pas plus moche que ce qui se passe dans la tête, bien souvent. Donc, vous devenez assez spécifique. Global en même temps. Je voudrais parler de tout, parce que l'amour implique tout. On n'est pas divisé en compartiments étanches. Et quand on a un plaisir physique, je crois que ça vous remonte jusqu'au cœur. Et ça devient une passion du cœur, cette histoire d'amour. Vous dites de ce roman, Les vaisseaux du cœur, Daniel Lorrain, qu'il est le grand roman d'amour de Benoît de Gros. Pourquoi et qu'est-ce qu'il nous dit, ce roman-là, sur la vie intime de Benoît de Gros? Oui, bien, un peu comme elle le disait elle-même. Donc, ça raconte du point de vue féminin une passion sexuelle, et c'était plutôt rare. Mmh. Et cette passion sexuelle, c'est un adultère extraordinairement long de 30 ans que vit l'héroïne. Alors, tout de suite, on le sait, c'est très autobiographique. Elle a changé les noms, il n'exerce pas la même profession, etc. Mais oui, elle a donc rencontré elle-même un Américain à la Libération, alors qu'elle était jeune veuve de son premier mariage. Lui, il était pilote de B-52. Il voulait l'emmener avec lui, l'épouser, l'emmener jusqu'en Pennsylvanie, mais elle refusait. Mais toute sa vie, elle a continué à le voir, à le fréquenter, mais de façon sporadique. En fait, jusqu'à sa mort, à lui, en 2003. Et elle disait de lui, « Nous n'avons jamais réussi à ne plus nous aimer. » Ils se sont aimés pendant 55 ans. Et elle parle très longuement de cette passion-là dans son journal d'Irlande. Vraiment, il y a des pages vraiment succulente là-dessus. Un mot sur le dernier combat. On termine avec la femme d'action qu'elle a été, féministe, mais pas que. Elle va, dans les dernières années de sa vie, se battre pour cette cause du droit de mourir dans la dignité. Elle va même publier un livre à ce sujet-là. Oui, elle était membre du comité d'honneur de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. D'ailleurs, c'est ce qu'elle avait en commun aussi avec François Giroux, qui s'est battu pour ce droit-là à la fin de sa vie. Et donc, Benoît de Gros en a parlé dans un roman, La touche étoile, qui est paru en 2006. C'est d'ailleurs la deuxième fois que je l'ai rencontrée. Elle était venue en parler à Montréal. Et donc, elle imagine dans ce livre-là une femme de 80 ans qui lui ressemble. Et elle en profite aussi pour pourfendre beaucoup dans ce livre-là le tabou de la vieillesse. Elle dit, comment se fait-il qu'on traite la vieillesse comme une maladie? Et donc, elle dit de cette femme-là qu'elle va choisir le moment de mourir. Et quand je l'ai rencontrée en entrevue, elle m'a dit, vous savez, je ne sais pas si moi, je vais avoir le courage de faire une chose comme celle-là, mais le fait d'avoir écrit ce livre-là, ça m'engage un peu. Et elle, qui avait un humour vraiment savouré, elle disait, bon, ben maintenant, si je m'en vais dans une maison de retraite avec des tubes dans le nez, un poumon artificiel, ça va vraiment être trahir toute la théorie qu'il y a derrière mon roman, voilà. Ouais. Et là, elle disait ça en éclatant de rire. Donc, et elle en parlait déjà dans son journal d'Irlande, dans des notes qu'elle prenait en 82. Elle disait, je ne subirai pas l'atroce vieillesse. Je crois que j'aurai le courage de me faire mourir. Et donc, elle est morte en 2016, à l'âge de 96 ans. Elle est morte, semble-t-il, paisiblement dans son lit. Daniel Lorrain, autrice, journaliste littéraire, c'est toujours un pur bonheur de vous avoir à cette émission. Merci beaucoup, Daniel. Merci à vous, Jacques. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.